Retour vers le futur. Bon, oui, troqué. C'est l'intro ? Ouais. Ah, oh, bâtard. Tu l'as lancé comme ça ? Ouais. Putain, en plus, je voulais te dire. Elle est super, ton intro. Santé. Santé. Santé, Martin. Santé. Je voulais te dire un an après la dernière, pourquoi c'est toi qui fais toujours les intros, en fait ? Je sais pas. Sur le vélo, avant de commencer, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un générique et qu'on faisait ça. Mais pourquoi tu me laisses pas la place ? Bah, vas-y, on recommence. Ok. C'est bon, Martin. J'ai lancé. Ouais, bienvenue sur Bon Rétro, qui est le meilleur podcast français. Yeah. Wouhou, salut Martin, ça va bien? Ouais. C'était un super... Super intro? Ouais, ouais, de ouf. Je l'ai pas bossé, hein. C'est naturel. Non, bah ça s'est pas vu. Non, putain, ça fait bizarre de revenir. Hein. Ça va, fait bizarre, ouais, ouais, ça va. Cool. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Putain, mais des tonnes de choses, quoi. Un an de... Bah, j'ai fait tellement de choses, quoi. C'était quand... Un an, t'es sûr? C'est plus qu'un an? Ouais, ça fait un an et demi, hein. On n'était pas en octobre-novembre 2022, le dernier. Bah, toi, t'as bossé un peu, c'est bien. Octobre 2022? Je pense que c'est ça, ou novembre. Ok. Un autre sujet, quoi. C'était... On parlait de quoi? Bah, je sais pas. Et... Putain. J'ai pas réécouté. J'ai failli réécouter la dernière émission pour dire qu'est-ce qu'on en était où dans nos vies à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, non, on verra si ça reboucle ou pas. En tout cas, je suis content de te revoir, tu vois. C'est comme si je t'avais pas vu, tu vois. Bah ouais. Et waouh, t'as pas changé, Pierrot. Toi non plus. A crazy man. A crazy man, hallelujah, it's raining man, voilà. Man et pour relancer le podcast, je te propose que je m'allume une cigarette, comme d'habitude. Bien sûr. Bah, tout ce qui est ASMR, bruit de papier, de briquet, de fumée, de souffle. Ok, bah comme ça je dis où on est. Allez, c'est parti, présentation du lieu. Un lieu, une temporalité. Ok, c'est l'émission 25. Oui. Voilà, on est dans... J'aurais dit 23, moi. C'est 25. Bah alors 25. On est le... On est le vendredi... Pas 25. Vendredi 16 février, dimanche anniversaire de mon frère. La veille, c'était sa fête. Faut regarder sur un calendrier, comme ça vous savez comment il s'appelle. C'est pas Michel. C'est pas Michel, mais c'est aussi beau que Michel. Voilà. Pour moi. On est à Bois Blanc. Exact, sur l'îlot central. Et on c'est une île en fait, Bois Blanc ou pas? Ouais, ouais, on ouais. On dirait une île un peu, non? C'est une île dans l'île. L'île qui était une île. L'île. Pourquoi on a appelé l'île? Parce que c'était une île. Entourée de canaux. Ouais, ouais. Voilà. Petite Venise du Nord. Voilà. Petite. Peut-être. Non, je crois que la Venise du Nord, c'est plus Saint-Omer. Pas de souci. Saint-Omer, c'est la petite Venise. Oui, oui, oui. Excuse-moi, j'ai coupé du coup ton intro. Et on est au... Ta présentation. On est au Toc ici. Toc ici, qui est un café collaboratif, je crois. C'est une scope. Je sais, on ne s'est pas renseigné, mais on imagine. J'imagine que tu me dis ça sans aucun renseignement. Si, si, si, je crois. Okay. Ouais, dans mes souvenirs. Ok. Et qui fait restauration, un joli lieu. Moi, c'est la première fois que je viens ici, toi la deuxième. Ça a ouvert il y a 2 ans, en fait. C'est on vrai. Dirait que c'était hier, et c'est il y a 2 ans. Bon anniversaire à eux. Je sais pas si c'est... Tu crois que c'est pas aujourd'hui? Non. Ah bah, bon anniversaire à mon grille-pain, c'est 2 ans aujourd'hui. Voilà, merci pour tous ces loyaux services, toutes ces tartines grillées. Je mange pas de tartines grillées. Et donc voilà, petite clope, on est bien, une petite bière. Il faut, c'est important qu'on revienne calmement, Pierrot, je voulais te dire. Il y aura des temps, des blancs, des temps morts. J'ai beaucoup réfléchi. Pas du tout. Bon, je voudrais une autre temporalité. Voilà. Okay. Le calme. On avait des rubriques, on avait des thèmes. On avait des chroniques. Voilà, on va reprendre tout ça. Est-ce que tu veux parler d'un sujet? Non, je suis parti pour rebondir sur tes sujets. Tu veux m'inspirer? J'ai plusieurs sujets. Allez. Il y en a 2 qui me sont personnels. Okay. Et 1 qui est plutôt actualité, réseau, tranquillou, quoi. Ah. Enfin, tu vois, genre quand tu swipes un peu sur les réseaux, bah il est passé, tu vois. Mais j'ai trouvé ça marrant. Vas-y, on commence par ça. Un truc léger. Ouais. D'accord. Est-ce que tu t'y connais un peu en coupe de cheveux, coiffeur? Ah oui, je vois ce que c'est. Voilà. J'ai vu, ouais. J'ai vu ça, le buzz cut. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'ai connu des gens qui ont voulu me faire ces coupes de cheveux-là. C'est une coupe de cheveux un peu avec les contours bien prononcés. En fait, c'est le coiffeur, il va aller trouver des contours que tu voulais pas, quoi. tu vois, on a une implantation de cheveux. On la respecte. Non. Si, si, mais moi je fais pas aussi court. Un buzz cut, c'est vraiment rasé avec des contours. Ouais, mais ils vont aller chercher ton front. En fait, ton front, il devient un miroir, un énorme truc. Je sais pas. Déjà qu'un front, ça peut être grand selon les personnes. Voilà. Moi, j'ai un grand front. Mais tu vois. Je pense que t'as un grand front et que j'ai un grand front. Mais ce que ça ressort, ta petite vidéo là. Je pense que plein de monde a vu. Je suppose. Je pense que tout le monde l'a vu en fait. Ouais, enfin, si pas tout le monde. Buzzcut, mais même Google. Sans taper en fait, t'as pas besoin de taper. Forcément, il y a quelqu'un qui va. Va repartager. Ouais. Mais en fait, ça réveille le traumatisme du coiffeur. C'est-à-dire ? Bah, si tu vas chez le coiffeur, il t'a fait une coupe de merde que tu voulais pas, t'es déçu. Et donc, tu sais, les nombres de gens qui appréhendent d'y aller, qui vont tout de suite se laver les cheveux. Mais oui, il y a plein de gens aussi qui coupent leurs cheveux après avoir arrêté chez le coiffeur. Voilà. Ouais. On est sur ça, Martin. Voilà, et je voulais commencer par un sujet léger comme ça, n'hésitez pas à rebondir. Bah moi je pars sur un traumatisme. Tu nous parles de... vas-y, une expérience de coiffeur, moi je veux en parler d'une. Une expérience de coiffeur ? Par exemple, une... Ouais, moi j'en ai une, ok. Il y a longtemps du coup. J'en ai une, ouais j'en ai une. Tu vas plus chez coiffeur depuis non. quand ? Depuis qu'il est en prison. Depuis que j'ai rencontré ma compagne. Coiffeur, ton coiffeur. Ouais, oui, c'est vrai que c'est une blague nulle. Tu pouvais faire même pas relever. De... Ouais, ouais. Putain, depuis la primaire. Ouais. En collège, j'ai dit encore. Et ben depuis la primaire, quand j'étais en primaire, allez, limite collège, mais plus primaire, mon père, quand on avait les cheveux un peu longs, il se disait, tiens, je vais leur couper un petit coup, quoi. Je vais leur couper les cheveux. C'est marrant, je t'entends pas dans mon casque. Ah, ça, pardon, c'est du revu, ça. C'est pas ouais, grave. Ouais, mais ça. Je te vois, c'est bon. Et il me dit, il nous coupe les cheveux, quoi. Et il nous coupe les cheveux comme quelqu'un qui sait pas couper, quoi. Ouais, c'est pas un coiffeur. C'est pas un coiffeur du tout. Et il nous fait quoi ? Une putain de frange. Une frange, c'est tout droit. Les cheveux, on a déjà qu'on avait... Quoi, coupe, pas au moi, bol, coupe au bol. Mon frère avait un peu coupe au bol. Et la frange. Frange. Avec un ciseau et on coupe droit, quoi. Ah, mais tout le monde avait ça. Hein. Il y en a plein. Il s'appelait souvent Julien, des gens comme ça. Ah ouais. Bah, moi, je dirais pas le nom de mon frère, puisque il y a une devinette en jeu, mais... Ouais. Ah, horrible. Et mon frère, il a 4 ans de plus que moi. Donc dis-toi, moi, c'était primaire. Je me disais, waouh, je suis chum, je suis laid. Lui, il était au collège. Lui, il était au-dessus, quoi. Mm. Il y a des photos de nous hein, juste après qu'il est coupé. On est comme ça, ah horrible. Mais tu sais que si tu gardes cette coupe pendant près de 10 ans, cycliquement, t'es à la mode au bout d'un moment. Ouais, ouais, ouais. Mais passe par la phase collège pendant 10 ans. Déjà, il y a un blème. Bah, collège, moi j'ai fait cheveux longs, hein. Dur. Ouais, ouais, ouais. Dur. À notre époque, ouais. Ah non, je l'ai abandonné vite fait. Hein. Non, mais 10 ans. Ouais. Mais bon, collège, c'est la merde, quoi. Tu vois, le moindre truc que t'as, tu peux te faire défoncer. Il n'y a pas de pitié, ouais. Mais après, est-ce que c'est pas plus dur aujourd'hui, tu vois ? Ça se règle à la cour de récré, maintenant ça se règle sur les réseaux, tu vois. C'est... Ah oui, oui, oui, oui, il y a ça en plus, ouais. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, tu peux subir ça longtemps. Tu vois, ta photo là, avec ta coupe de cheveux, elle peut finir en poster, quoi. Ouais, mais d'une manière générale, je me dirais que collège, c'est le pire. Lycée, ça va. Tu vois, tu commences à être grand. Bah, lycée, t'arrives avec tes associés, tu vois, un peu. Collège, t'as moins d'associés, quoi. Non ? Tes associés, moi j'avais 0 associés. Ah ouais, moi j'ai toujours été essayé de pas arriver seul, tu vois. Moi je suis pas quelqu'un qui vit seul, tu vois. Je suis toujours en bande, quoi. Bah moi ils étaient pas dans ma classe. Ou ils tu vois, j'ai pas zéro activité seul, tu vois. C'était pas dans mon lycée, tu vois. Ah ouais, mais moi je suis arrivé en bande organisée. Bon, bande organisée, c'est le mot aujourd'hui à la mode, mais j'étais avec mes gars sûrs, quoi. Genre, ok, nous on est d'ici. Tu vois, en plus on changeait de ville. Toi aussi tu changes de ville au lycée, non un peu. Non, genre... j'étais à Amiens, donc non. Ok. Mais oui, tu peux. Moi, j'ai changé de ville et je suis arrivé avec mes gars et on s'est imposé, tu vois. tiens ma poche, petit bague. C'est. Après, voilà, on peut partir d'un truc plus personnel si tu veux. Non, bah là, c'était un peu perso, hein, parce que ça, c'est un traumatisme. Je peux en parler avec mon frère. Elle fait ah putain. Je crois que mon père, on lui dit, genre, tu nous as une coupe de cheveux de gros schlag dégueulasse. Tu sais ce qu'il disait ? Non. Il se marre. Il est mort de rire. Ah ouais, ouais. Moi, tu sais, moi, j'ai porté des fringues aussi aujourd'hui, mais mes parents, ils sont morts de rire quand tu regardes les photos. J'étais honteux de porter ça, quoi. Enfin, tu vois, à l'époque, t'es petit, tu te rends pas trop compte, mais on était habillés comme des schlags, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... Ils mettaient ce qu'ils voulaient sur toi, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avais pas de... Et en plus, moi, ma mère... Genre, elle me laissait partir avec mes dégaines que j'ai inventées aussi, quoi. Ah ouais ? Genre, elle me disait pas, change de style, tu vois. Ouais. Genre ouais. Moi je voulais partir avec, je sais pas, t'adores ce pull là. Je me rappelle d'aller avec un pull vert dégueulasse, avec tu sais le truc en cuir là au coude. Ouais, ça j'avais, ouais. Tu vois, et une étoile de shérif en plastique. À quel âge? Première? Non, j'étais à la fac. Première année. Non, j'étais en primaire et c'est la photo de classe comme ça. Et je suis dégueulasse, une coupe de merde, un style de merde. Et je suis content, et il manque des dents. Enfin, tu vois ces photos-là un peu. Les photographes ont gardé les mêmes fonds d'écran qu'à l'époque. Ouais. Tu sais pas, tu regardes, tu as des neveux. Ouais, bah, j'ai des petites photos là. Tu vois, les photos de classe, c'est les mêmes qu'à l'époque. Quoi. Ça change pas beaucoup, ouais. Non. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même des technologies pour te mettre des vrais bails et tout, quoi. Ouais, c'est les derniers, les gars qui tiennent le truc. Tu pourrais improviser, dire ah bah vas-y, je vous mets à l'Elysée et tout, j'en sais rien, vous êtes président, à l'État. Ah oui, tu pourrais dire, ouais, on est sur une planète. Et là, c'est les fonds un peu pastel, vert, violet, jaune, tu vois, nuageux, tu vois un peu ce fond. Ah oui, là, ça, mon neveu, c'est un vieux fond bleu, ouais, mais sur sa photo individuelle, pas sur la photo de groupe. Non, sur la photo de groupe, t'es toujours dans la bibliothèque, le CDI, ou un truc comme ça, non ? La classe ? Ou la cour. Ouais, la classe, t'as raison, des fois, il y a le tableau. Ouais. Et je viens de découvrir que si je mets mes écouteurs dans mes oreilles. Tu m'entends ? Exact. Ok, super, Martin. J'aime pas ces écouteurs. Bah, fallait pas les oublier, les tiens. C'est vrai. J'ai oublié mes écouteurs. Mais en fait, c'est parce que j'ai perdu l'habitude d'enregistrer des podcasts. Oui. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec. Hier, j'ai voulu développer des photos. Et j'ai parlé du coup avec ma collègue de faire un podcast autour de la photo. C'est intéressant, non ? Ah ouais ? Ouais, parce que t'es dans le noir et tu vois, il y a des bruits. Et ça fait vachement ASMR. Je suis pas sûr que ça va être intéressant, que ça va cartonner, mais peut-être. Tu vois. Ça, c'est l'idée ouais, de base. C'est l'idée de base. Ouais. Sur la photo dans le noir avec des bruits ? Ouais. Mais pas que, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la pellicule photo que j'ai retrouvée de mon père, que ma grand-mère m'a donnée, qu'on veut développer depuis un mois et qu'on fait qu'on n'y arrive pas encore. Tu vois. Ah ouais, ça se trouve pour une pellicule qui marche plus, quoi. Exact, parce qu'elle a été ouverte, parce qu'elle est vieille de 40 ans. Ouais. Et c'est en slide. C'est une aventure, quoi. C'est en slide. Ça se trouve, que ça veut dire color slide. Sliders. Ça veut peut-être. Les mondes parallèles. Ça veut peut-être. J'aimais bien. Que. Tu sais, à la fin, le résultat, ça se trouve, elle marche plus, la pellicule. Mais ce qui sera intéressant, ça va être l'histoire, quoi. Mais ouais, je vais te taper, Martin. J'ai failli... Regarde. J'ai failli brûler le truc, je l'ai pas brûlé. Je l'ai pas brûlé. Pardon. Explique aux gens, si tu veux. Ben non, je suis en train de pleurer, Martin. Là, c'est des larmes. Enfin bref, voilà, ça pourrait être intéressant, tu vois. Ça pourrait être intéressant ? Bah ouais. Mais je pense qu'il y a plus de podcasts que de nombre d'habitants en France, aujourd'hui. C'est vrai ? Je crois, hein. Non mais oui, il y en a beaucoup, ouais. C'est intéressant ce que je dis. Hein. Non, mais et tout ça, c'est encore bien renseigné. Hein. Et ça a fusé sur ton vélo en venant, là ? Non, je voulais couper, j'étais sûr que j'allais couper ton intro, tu vois. Et en fait, tu l'as fait tellement vite que tu m'as... Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, là. Exactement. Et comme voilà, il faut qu'ils sachent, les auditeurs, c'est qu'on ne travaille rien. Et du coup, je t'ai pas prévenu que j'allais faire ça et qu'on allait... Il faut se surprendre. Voilà. Je voulais juste te cut et dire, vas-y, pourquoi moi je le fais jamais, en fait. Et genre, j'aurais pu bosser une intro, top. Tu sais, genre, arriver, pam, lancer un truc, rapper et tout. Et j'ai rien bossé. Voilà. Du coup, mon intro était ringarde. Non. Était... Qui c'est qui a dit ça? Bah on attendra les retours. Hein. Retour d'ailleurs que vous pouvez faire sur Instagram. Oui. Voilà. Parce qu'on revient sur Instagram également. Ouais, on revient sur les réseaux, on est partout. Revient... Je pense qu'on n'avait pas partout. Assez de retours, hein. C'est pour ça qu'on a fait une pause. Ou trop de retours. Trop de retours. Ouais, trop de retours. Et on ne pouvait plus répondre. Oui. Voilà. En DM, laisse tomber. Oh là là. Désolé pour ceux à qui on n'a pas répondu d'ailleurs. Mais non, on peut pas répondre à tout le monde. On peut pas répondre, on essaye. Mais on peut pas, on travaille aussi. Ah oui, c'est la phrase horrible, ça. C'est quoi ? Bah non, mais moi j'ai un travail, quoi. Ah oui. Non, mais je travaille. Quand j'ai des collègues qui me disent. Je crois que j'avais fait ça, ouais. Pour un truc pour le collectif convivial. Mon petit gazon, tu vois, c'est un truc. Et il y en a un, il devait finir. Pour que le jeu puisse commencer, il devait faire un truc. Il fait. Non, mais moi j'ai un métier. Hein. Ouais, j'ai un métier, c'est encore pire. Fait, bah oui, bah nous. Nous, non. Non. Et puis on s'en fout, ton métier, c'est bon. Ouais. Ton patron, il te paye, tu travailles, tais-toi, on s'en tape. Faut arrêter. C'est vrai, on peut pas se plaindre. Si, on peut se plaindre, mais faut pas se mettre en avant comme ça. Quoi. Bon, faut pas... C'est pas l'excuse pour... C'est bon, quoi. Tu vas pas me dire que dans ta vie, t'es tout le temps en train de travailler, t'es pas en train de glander, à jouer un petit solitaire de temps en temps, quoi. Hein ? Ça dépend des métiers. Hein. À d'autres, oui. En charpente, on n'a pas le temps de faire des solitaires. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Mais tu peux regarder les oiseaux ou les nuages, parfois. Pas trop longtemps, quoi. Pas trop longtemps. J'ai l'impression. Et pas laisser traîner ta main non plus, pendant ce temps-là. Tu peux couper de tes doigts. Mais après, il n'a pas tort, c'est que l'origine du mot travail, c'est... qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire torture. C'est vrai ? Ouais. Bon, ouais, tu vois. Une torture, le travail. Bah, tu vois. Donc, c'est normal qu'il ait pas le temps de s'organiser pendant qu'il se fait torturer, quoi. Ouais, puis moi, je suis même sûr que tu fais un travail passion, ça reste une torture. Ça te torture le cerveau, ça te torture l'esprit. Tu vois, t'es jamais zen, tu vois. Oui, et où tu t'es sacrifié pour en arriver là. Tu vois, où tu fais des choix dans ta vie. Je pense au footballeur, tu vois, moi. Ouais, bah, moi, je pense toujours à... rêver, en fait, pas du tout. Hein. Ça a l'air d'être un calvaire. Je pense à un artiste, tu vois. Ouais. Tu te tortures parce que t'arrives pas à finir les fins de mois, tu vois, des trucs comme ça. Oui, oui. Et puis, avant d'avoir percé, t'as bien galéré, quoi, c'est sûr. Ouais, puis de trouver l'idée, trouver le sens à ce que tu fais. Tu vois. Ouais. Te prendre des vestes, ne plus y croire. Plus y croire. C'est un peu ce qui s'est passé avec notre podcast finalement. Ouais, on n'y croyait plus. Et on revient parce qu'on y croit. Mmh. Et après, je trouve que la vie c'est plus facile à deux. Ou à trois. À trois. Comme Didier Simple. Ah oui, exact. Il s'est passé ça entre le dernier numéro. C'est vrai, qu'est-ce que c'est Didier Simple ? C'est toi. En quelques mots. Toi, moi, Mimi. Mimi. Ton rouya. On a introduit Mimi, quoi. Et on est selector, on n'est pas DJ, on passe des disques. Ouais, on mixe pas, on passe. On passe des super bons disques, on vous fait des super soirées, où les gens dansent, rigolent, se retrouvent dans des cafés. Pour l'instant, c'est des grands succès. Nous, on passe un bon moment. Donc voilà. C'est simple. C'est simple, DJ simple. Il y a une page Insta aussi. Ouais. Voilà. La petite pub, hein. Si les gens n'avaient pas fait le lien. Ça paye pas de pain, ça veut rien dire ça. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain ou ça paye pas de mine. C'est ça que je voulais dire les deux. Ça, ouais, ouais. Ça donc paye, ça pas, paye de mine. Pas de pain. Bon, bah c'est bien. Tu parles de boulangerie, ça me donne faim. J'ai pas de pain, pas de boulangerie. Ah ouais, mais tu vois, j'ai. T'as pas mangé ce midi ? Si, si, j'ai mangé, mais je pense à. T'as mangé quoi ? Aux boulangeries, c'est un peu indépendante, le vin naturel, tout ça. On en parle plein de fois de ça. Parce que c'est le métier que j'aimerais faire. Parce que tellement. Boulanger. Bah, j'aimerais faire dans le sens. Où j'adore le pain. Ouais. Mais je trouve qu'il y a trop de mauvaises boulangeries. Exact. Et que je me dis de faire du bon pain, ça doit pas être si compliqué. Il doit y avoir une science, mais tu sais, quand t'as ta recette, c'est bon. Tu la gères, quoi. Bah, il y a le gars, là, le marché d'LM, là, est super. Voilà. Manu. Brood. Non, c'est pas... ouais, mais Brood, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est bien aussi. Ouais, je connais pas, mais j'ai envie de goûter. Il y en a un autre qui va ouvrir près de la rue de Béthune, une perpendiculaire à côté du Pandore. Qui va être bien. Qui va être El Frio ou un truc comme ça, Il Frio. C'est marrant, c'est comme nom de boulanger, El Frio, ça veut rien dire. C'est peut-être l'italien. Le froid. Mais ça a l'air bien, ou four, je sais plus comment c'est, El Four, j'en sais rien. J'ai pas retenu. El Fuego. Je peux retrouver, non. Si je regarde sur le téléphone, mais c'est pas le principe. On a interdiction de toucher le téléphone. On l'a jamais regardé. Mais ça, ça a l'air trop bien. Tu vois, du coup, je le suis sur Insta. Et quand Insta, il te propose après de suivre d'autres gars, j'ai cliqué sur tous, parce que moi, je voulais tous les boulangers un peu indépendants, tu vois, qui sont sur une autre façon de faire du pain, ou en tout cas, qui font du bon pain. Par le vin. Sauf qu'après, ils m'ont envoyé sur des Marseilles, ça faisait un peu loin pour aller chercher le pain. Mais tu vas chercher où ton pain, du coup ? Moi, je vais chez Doucet. D'accord. Mais il est bon, quoi. Mais après, même, j'achète jamais de pain extraordinaire, tu vois. Quoi, des pains qui... J'achète pas de gros pains, déjà d'une, mais j'achète pas des pains spéciaux. J'achète... Le pain de campagne. Même pas, j'achète des baguettes. Ah ouais, elle ouais. est bonne la baguette. Elle est, celle de Doucet, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Il y a un croquant, et en même temps, il y a une élasticité. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Et près du travail, il y a celle de Mathieu, il y a une queue de ouf. Et le pain, Léna, elle aime pas trop. Elle trouve qu'il a un petit goût. Moi, ce petit goût, je l'aime bien. Ouais, c'est le goût du levain. Voilà, bah, ça, j'aime beaucoup. Quoi. Ouais, pareil. Et, mais ils ont Wattmill pain, tu vois. Et j'ai un pote pareil. Quand il va à la boulangerie, il s'achète tous ses pains de sa semaine, mais au petit-déj, il bouffe un demi-pain en gros. Je pense que c'est pas bon de manger autant de pain. Ouais, ouais, ouais, mais ça va, il est mince, le ténia va bien, machallah. Ouais, mais le gluten, tout ça, tu connais. Hein. Ouais, mais je crois que c'est... Ouais, je sais pas si c'est sans gluten. Normalement, le vin naturel, y a pas un délire où t'as pas de gluten ? Ah non, j'en sais rien. Non, c'est juste certaines farines, ouais. Et comme l'épeautre. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mais ça n'a rien à voir du coup avec le levain. Le gluten, en fait, ouais, c'est une saloperie, c'est une espèce de caoutchouc. C'est pas une... En fait, on est la plupart tous tolérants au gluten. Hein. Mais je pense que c'est pas la peine d'en abuser, quoi. Après, avant, c'était le repas principal de la France, quoi, le pain. Voilà. Ben, pain, moi, pain. Je ne peux pas faire un... Si tu as... On mange quoi ce soir ? Ben, une tartine. Quand j'ai un repas, il me faut du pain, minimum. Il faut qu'il y ait du pain. S'il n'y a pas mais de y a pain... Des pains, il y a des plats interdits avec du pain. Il faut un peu de pain. Pour de couscous. Saucer ou je sais pas quoi. Bah, saucer à la fin. Non, quoi que, c'est vrai que tu sauces pas trop. Le riz taille. Ah, voilà, ouais. Tu vois, mais oui, mais un petit bout mais de fromage après. Mais c'est pas la culture du pain, tu vois. Un petit bout de fromage, quoi. Moi, j'aime bien le pain beurre, un peu de pain beurre. Beurre salé. Et au pire, il en faut le lendemain matin, tu vois. Beurre salé. Doux. Oh putain, tu vas te faire. Là, tu viens de perdre la moitié de 10 maths, quoi. Moi, je m'en fous, hein. Bah, j'aime bien le demi-sel, j'ai les deux. Mais tu vois, avec la soupe, une petite tartine de pain beurre. Non, mais je suis fan aussi, moi. Doux. Mais chez moi, c'est interdit de beurre doux. Et comme je mange pas beaucoup de fromage, limite, le demi-sel, ça me fait un peu comme si c'était du fromage, tu vois. Oh. On est sur des goûts différents, mais bon. Mais alors qu'un beurre doux avec un fromage salé, ça le fait de ouf, tu vois. Ah ouais. Ah oui, t'as raison. Oui, bah ça tombe bien. Tu dis ça tu parce as bleu, que... bleu et fromage doux. Le bleu qu'on nous a offert gentiment. Le fameux bleu. J'aime pas le bleu à la base. Mais là, le bleu, il était jeune, donc il était pas trop fort. Et toi, tu m'as dit, avec du beurre, c'est bon. On l'a mangé avec du beurre, effectivement, c'est très bon. Et je commence à apprécier le bleu. Mais ouais. Grâce à ça. T'as une douceur et acidité. Non, c'est... Ouais, top. T'es un génie. Donc voilà, les boulangeries. Toujours Delta Inn. Fascine. On est à quoi, 25 minutes ? 21. Bon, ça arrête là. Toujours. Ça arrête là ? Non, il y a encore 20 minutes de bonheur. Vous inquiétez pas, si vous êtes sur l'autoroute, et ben là, vous êtes sur l'autoroute du bonheur. C'est tout droit, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Vas-y, mets ta clope encore dans le micro, Martin. Parce que ça sera vraiment le dernier podcast, en fait. Eh, c'est un nom de podcast, les derniers podcasts, d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais, je crois. On vérifiera pas. Non, on va me croire. On me croit. Bah, moi, je te crois sur parole. Je pense que le dernier podcast, et ils en font plein, du coup. La vraie, de toute façon, quand on est ensemble, à chaque fois, on est tout le temps à vérifier sur le téléphone en disant « Eh, mais oui, mais il y avait raison. Maintenant, il y avait raison. » On fait un peu ça, Martin, parfois. Excuse-moi, la fille, elle parlait, du coup, j'ai pas écouté. La petite fille, elle parlait au téléphone, elle est en visio. Monde moderne, mon gars. Franchement, là, il y a un livre qui parle de ça, mais... Ouais, je vais pas parler de ça. Ouais, laisse tomber. C'est un truc, là, sur Insta, où il est... Ouais, non, j'en parle pas. Bah non. J'ai vraiment pas assez de billes à mettre. Puis je suis choc, ça a l'air... Ouais, c'était un peu scientifique, un peu poussé. C'était... Ah, scientifique. Ouais. C'était genre sur un bouquin qui s'appelle une société de divertissement ou un truc comme ça. J'ai répondu pour gagner le livre, en gros. Ah ok, bon, c'est très bien. Tu l'as vu ? Non, mais là t'en parleras quand tu l'auras gagné. Si tu l'as pas gagné, on n'en parlera pas. C'est okay. Très bien. Bon, j'ai participé à un jeu, en tout cas. Ça se trouve, c'est même pas ça le titre. Non. Ouais, et par contre, il y en a un, ça s'appelle Des serpents dans le désert. Ah ouais. Non, c'est pas ça non plus, c'est des poissons. Moi, c'est des lapins qui mangent des carottes. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est un livre qui s'appelle Des poissons dans le désert. Des poissons dans le désert. Qui parle de l'absurdité de choses aujourd'hui écologiques. Ouais, voilà. Écologique. Bah, par exemple, il y a des. Je sais pas, moi, en Californie, ils ont voulu réhabiliter des poissons qui avaient disparu et ils ont été les foutre dans une grotte dans le désert, quoi. Bah voilà. Tu vois, on fait quoi cette info ? Pas grand chose. Lisez ce livre, il est super. Voilà. Tu voulais que je parle de mes trucs personnels, du coup, j'imagine. Que t'as rien préparé ou t'as une thématique. Bah, regarde, t'as vu, j'ai réussi à rebondir. Du pain, du boursin. Voilà. Déjà, je travaille pas beaucoup. Alors là, Pierrot, c'est vraiment le. Non, mais on s'est c'est dit, on refait une émission. Et ça s'est fait spontanément. J'ai dû aller à la Fnac acheter des cadeaux pour mon frère, si vous l'avez bien suivi. Je suis acheté 2 BD, si vous voulez tout savoir. À la base, je voulais prendre un livre. Mais tu vois, avec les budgets, tu te dis, bon. Les budgets, c'est quoi les budgets ? Bah, les budgets, budgets cadeaux, quoi. Tu vois, je lui fais un budget cadeau. Tu te fais pas un budget cadeau non, à mon frère ? Non. À mon frère, tu lui fais pas de cadeau ? Salut. Ça va, ouais. Bonjour. Bah, si, tu te prévois pas un budget ? Si, on a des budgets, on partage des budgets, mais tu me dis les budgets. Ah ouais, mais c'est comme parce si que c'était parti Noël il y a pas longtemps. Avec 4 budgets différents, quoi. Bah, en gros. Ton frère, il vaut combien ? 20 balles ? Non, il vaut plus que 20 balles. 30 balles ? Il vaut plus que 30 balles. 40 balles. Mais il vaut pas 50 balles. Il vaut 40. Il vaut 40 balles. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu préparé. Je suis 40 balles. Après, à Noël, je lui ai fait un petit cadeau de merde. Quoi, Il va écouter le podcast ou pas? Il écoute jamais. Je sais même pas si c'est que ça existe. Parce que là, il sait qu'il y a un podcast de merde. Un cadeau de merde. Il connaît pas mon travail. Il sait pas ce que je fais comme travail. Ah ouais? Ouais, je suis super héros. Non, c'est pas qu'il s'en fout. C'est... Le cadeau, je lui ai fait un cadeau à 22 balles à Noël pour revenir. Donc c'est un peu moins bien que d'habitude. Parce que. C'est moitié moins bien. À mon anniversaire, il m'a offert deux bouteilles de bière. Des bouteilles de bière avec une forme bizarre. Okay. Et puis il me fait, ouais, je les ai trouvées cool, tout ça. Et dans ma tête, j'ai fait, ah ouais, super sympa, elles sont cool. Toi, tu t'es dit vengeance. J'ai menti. Dans ta tête, non, ça fait vengeance. Je les ai vues à Carrefour, ces bières. Oh là là. En fait, c'est juste, je me suis dit, bon, hein, pas faire d'efforts et pas faire d'efforts, là, il y a zéro effort quand même. Mais t'es un peu revanchard, du coup. Bah, je me suis dit, il aurait dû rien faire. Pas ouais, de cadeau. Ouais, mais du coup, tu lui offres un cadeau de merde derrière. C'est là où je dis que moins bien, 22 euros. Il aurait pu avoir deux cadeaux, il en a eu qu'un. Voilà. Non, parce que c'était un beau cadeau que j'ai offert. J'en ai offert qu'un au lieu d'en offrir deux, ou faire un petit bonus. Et il a vu que tu l'avais arnaqué ou pas? Non. Parce qu'il a pris sur les BD souvent. Parce que tu vois, il sait pas mon métier. Mon frère, il est pas revanchard ou il est pas à avoir du mal. Il est. Il s'en fout. Il a un peu de tout. Voilà, ouais. Il fait, ouais, c'est cool. Il réfléchit pas à se dire, il y a eu ça ou il y a pas eu ça. Bah, en vrai, je pense que c'est une personne qui se remet, qui fait pas de remise en question. Il est comme ça. C'est pas son. Il se dit pas, oh, j'ai merdé ou j'ai. Oh, pff. Non. Non. Ok. C'est pas en mal ou en bien. Ok. C'est ouf, hein. C'est bah, c'est vrai. Et c'est mon frangin. Et il va bien. Ouais, il va bien, ouais. Mais on n'est pas pareil, mais c'est. Ça... Avec le temps, je me suis dit, il est comme ça. Et du coup, je l'ai accepté. Mais bon, il a eu un cadeau moins bien à Noël. Après, je trouve que c'est bien d'accepter sa famille, vu que bah, on l'a pas choisi. Et que on a pas le choix, quoi. Longtemps grandir avec, quoi. On n'a pas le choix. Non. Ils sont là à tous les repas, t'as vu, de famille. Marrant. Ouais. Bah t'es là, ah, j'ai failli dire son nom. On l'a entendu. Ouais, on l'a pas entendu. Merde. Patrick. C'est un tout. Oh, t'es bon en surprise ou t'es pas bon en surprise? Serait-ce une surprise? Non, je suis nul. Non, je suis nul. Alors, il y a deux trucs. Ok, il y a deux surprises différentes. Non, c'est-à-dire garder le secret pour une surprise. Ça, je sais faire. Ça, tu sais faire? Ouais. Pas mais de organiser une surprise, non. Ah, ok. Après, moi, je suis un peu contre les surprises. Mais ouais. On t'a déjà fait une surprise, t'étais content. On m'a déjà fait une surprise, j'étais très content. Mais des surprises un peu nulles, faut que ça soit une belle surprise, tu vois. Des surprises pour dire « Tadam, je suis là !» Et c'est le bordel pour l'organisation. Et la personne fait « Non, mais la personne, elle sera là ou pas ?» Personne, elle sera là ou pas ?» Tu vois. Ça, tu vas pas y arriver à faire ça. Ça veut dire, j'ai envie de dire « Oui, elle sera là. » Voilà. Détends-toi. Okay. Parce que la personne, elle se fait plus de mal que la consécration de dire ah t'es là, soulagement, tu vois. Bah, je sais pas si j'étais clair. Aussi, j'ai cru perdre le fil et je crois avoir compris, mais je suis pas à la place des auditeurs. Ouais. Je crois que tu parles de surprise déjà avec des gens qu'on te cache. Ouais. Et la personne, elle se doute que tu vas faire une surprise en fait, donc c'est pas vraiment une surprise. Et qu'en fait, elle dit j'espère que t'as invité lui. Non, c'est ça. Ce genre de surprise où elle attend que cette personne là soit là. C'est familial en fait. Ouais. C'est encore familial. Ok. C'est-à-dire par exemple l'anniversaire de mon père. Mon frère, il dit rien et il vient le dimanche midi par surprise. Sauf que mon daron, il a pas préparé. Bah, il a pas préparé. Oui. Et d'autre part, il dit ah, oh, il vient pas, il m'aime pas ou il s'en fout de moi. Du coup, il est triste. Ouais, il est triste dès le dit, est-ce que dès le samedi il est triste Patrick par exemple. Vient et du coup il me fait ah il vient pas je fais, Et toi tu sais oui bah oui il fait une surprise et c'est une surprise nulle quand même mais c'est une surprise nulle à chier ouais. C'est-à-dire, enfin, c'est pas ouf quoi c'est moi la surprise quoi ouais. Bon pardon frangin t'as les oreilles qui sifflent Patrick mais t'auras un beau cadeau pour ton anniversaire c'est à Saint-Patrick du coup. C'est la Saint-Patrick. C'est ça. Et oui. J'ai deviné le jeu. Et je vais lui offrir une Guinness, comme il m'a offert une bière en plus. Ah, super. Ah oui, il va être content. C'est bon la Guinness. Eh ben, c'est bien. On a pas du tout fait des petits sujets perso. Ok. Allez. J'en ai deux. Et je crois que je vais en faire qu'un. Et je vais choisir la dotation. La dotation ? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, j'ai une lubie. Ouais. Depuis toujours. c'est que je suis jaloux des gens qui ont des dotations en termes de sport ou de travail. C'est-à-dire que toute personne autour de moi qui reçoit des habits gratuitement dans un cadre sportif. Ah, c'est ça la dotation. Ou du travail, c'est ça les dotations. Ah, okay. C'est genre, tu commences la saison, hop, t'as une paire de chaussures, un short, un t-shirt, un sac. Genre toi, une veste de sport. T'as été en équipe de France, d'avoir les sapes de l'équipe de France avec le sac et tout. Ouais, t'aurais été trop content, quoi. Bah, de n'importe quelle équipe de France, quoi. Genre, j'ai un pote qui a fait l'équipe de France, par exemple, de rugby. Ouais. À 7, je l'ai racketté. Il m'a dit, Martin, je crois que t'as plus de trucs que moi de l'équipe de France. Ah ouais. Ouais, tu vois, j'en suis à ce point-là, quoi. Toc. Et c'était ta taille au moins ou... Non, pas du tout. C'est trop grand, c'est dégueulasse. Et je le mets rarement. Mais tu vois, c'est compulsif. Quoi. Ah c'est putain. Ouf. Et depuis tout petit. Du coup, j'ai fait l'équipe de foot quand j'étais gamin. Donc j'étais vraiment petit. Du coup, moi, j'avais pas tout l'équipement. T'as la short, la veste, tout ça. Et après, il y a le moment où au collège, où moi j'arrête. Et les gars arrivent au collège avec les survêtes de l'équipe. Ouais. J'étais tellement jaloux d'eux, tellement, tu vois, ah je ouais. me dis, mais moi j'ai pas eu la veste, quoi, j'ai pas le sac, j'ai pas le, tu vois, j'ai pas eu la, et je crois que ça vient de là. T'as envie de créer une fédé juste pour te donner des trucs. Mais oui, mais de ouf, et tu sais que je serais vraiment content, genre tu t'inventes une fausse fédé, ouais. floqué, je suis heureux, quoi. La alors fédé des Sosca. Ouais. Champion prends. De Sosca. Ouais, et ben je suis là, ouais, la Sosca, cool. Et du coup j'ai gratté mon pote qui faisait de la clé aussi. Ouais. Tout ce qu'il avait, j'ai encore un sac à lui. T'as des chaussures à pointe qui te servent à rien. Non, ça j'ai pas les chaussures à pointe. Mais j'aurais pu, tu vois, vraiment cinglé quoi. Et du coup, j'ai commencé à gratter vachement le milieu sportif. Sans moi jamais rien avoir. Après, si j'ai attaqué le foot loisir et donc j'ai récupéré quelques trucs, mais c'était bidon, mais j'étais content. Et après, je suis arrivé dans le monde du travail du bâtiment, de la charpente. Ah ouais, ouais. Voilà, je me suis régalé. Là, t'as cru que t'étais un sportif ouais. de haut niveau ou je pas Je me suis dit, mais non, j'arrive et tac, premier jour. Une veste, un pantalon, tu vois, des outils, des trucs, des machins, des petites. Des habits de travail, quoi. Bout, c'est normal, quoi, normalement. Et ouais, mais quand on te fournit son habit de travail. Ouais, ils ne le font pas tous, les boîtes. Hein. Normalement, quand c'est un peu gros, ça doit le faire, quoi. Mais comme j'ai fait plein de boîtes, bah, genre, j'ai, je sais pas, je dois avoir 30 t-shirts, 3 vestes. 30 boîtes ? Non, 30 t-shirts. Ah, j'ai cru que fait 30 boîtes. Ah ouais. Et du coup, j'ai 30. Parce qu'à chaque fois, ils arrivent. Il te donne 10 t-shirts. En tout cas, fait des Sosca, t'es bien là. Elle a fait des Sosca, mais qu'est-ce que c'est ? Tu m'expliqueras après, elle a fait des Sosca. Ouais, moi c'est du Vernon, c'est bien. Hein, cherche bien. Ah oui, c'est bon. Ah putain, je l'avais même pas. Bah, tu sais quoi ? Putain, elle marche trop bien, t'as fait des. Gros, je l'aurais pris bien. Bah, ouais, ouais. S'il te plaît. Attends, on a un placard là avec les médailles. Voilà. C'est la médaille, quoi ? Tiens, mon grand. C'est une médaille pour quoi ? Une médaille parce que t'es un champion. Champion de quoi ? Champion des Sosca. Ah yes, cool, merci beaucoup. Ah mais c'est rigolo ça, j'aime bien ça. Mais et genre ouais, là on te donne des habits de travail, t'es content quoi. Genre et t'as ton... et floqué. Mais le flocage aussi est important. Genre flocage, j'avais écrit Martin dessus. De la marque, de la boîte. Tu vois, j'aime bien les différents styles. J'aime bien, tu vois, il y en a c'est que noir, il y en a c'est blanc, il y en a c'est noir et gris. Tu vois, je suis même allé en Savoie, ils m'ont filé tout le matos, j'étais trop content. En charpente, il y a des pantalons, là, les largeaux, ça m'en fout. Les chaussures. Ouais, mais je peux comprendre. Je garde toutes les chaussures. Je les jette pas. Tu m'en as pas filé une paire ? Bah, c'est un beau geste en tout cas, si j'ai fait ça. Si j'arrive à me séparer de trucs, c'est très bien. Un peu trop grande, mais ouais, parce que j'ai fait des travaux. Ouais, mais tu me l'as rendu. Attends. Non, c'est un pantalon que tu m'as donné. Ah oh, putain, mais tu vois. C'est un pantalon. Trop content, quoi. Parce que ma mère, ouais, elle avait. Elle m'a filé au début, la première boîte que j'avais fait, elle m'avait filé des trucs de la ville. Et pareil, c'était comme un ouf, quoi, parce que c'était la ville où j'ai grandi. Voilà. C'est ouf. Pardon. C'est ouf, non voilà. Non, mais j'ai vu quand je t'ai dit, ouais, ouais, tu m'as filé des chaussures. J'ai vu que tu m'as fait... Quoi, j'ai filé des chaussures, là. Non, mais j'étais content, si j'ai réussi à m'en débarrasser, c'est un bien. Pantalon. Un pantalon de chantier. Il ouais. faut que je te donne des trucs, il faut que je m'en débarrasse. Bah non, quand mais t'en avais. J'ai 30 t-shirts, j'ai 30 t-shirts, ou plus. Ouais. On a tous des vieux t-shirts, hein, pour faire des travaux. La compagnie de musique là aussi où j'ai travaillé, j'ai t-shirt, pull, veste. Je réfléchis comment tu comment peux récupérer encore des trucs. Oudis, non. Comment s'appellent les pulls à capuche ? Oudis, ouais. Voilà, Oudis. Ça, je kiffe aussi les Oudis. Ah, d'une manière générale, moi j'adore les sweats à capuche. Gris ? Noir. Mais je crois que j'en ai deux ou trois de noir. Et je me suis dit, il faut que j'arrête, je voulais encore en acheter un noir. Tu m'avais filé un pull Peter Klassen. Bleu, ouais. Je voulais pas te le rendre. Ah ouais ? Tu vois, le fou que je suis. C'est mon frère qui me l'a offert. Oui, mais je te l'ai rendu, mais combien de temps après ? Je sais plus, je l'avais oublié, je crois. J'ai dû le mettre pendant 2 ans, quoi. Ah, tu le mettais ? De ouf ! Les mecs floqués, des trucs, machin, je mets de ouf. Bah, et en plus, il avait son petit style. Il avait son... Le bleu était ouf. Ouais. Là, il était bien, il était... Ce que je lui avais demandé. Je lui avais dit, je l'aime bien ton suite, tu veux bien me le donner. Mais tu peux me le redonner. Non, non, non. C'est mon frère qui me fait un cadeau. Mais toi, tu le mets pas. Eh, c'est mon frère qui me l'a donné. Si, je le mets en pyjama chez moi. Pff, super, moi je le mettais dans la street, frère. Bah ouais, bah c'est un cadeau de mon frère. En plus, je trouve que c'est. Voilà, niveau street cred, tu vois, c'est bien d'avoir des trucs comme ça. Je me rappelle quand j'ai demandé à mon frère, je me rappelle quand il me l'a offert. C'était moment que tu ne nous prendras pas, ça, Martin. Tu ne nous prendras pas, ça. Bon, moi et mon frère. Et alors, tu parlais de sortir des trucs pour moi. Moi? Ouais. Moi, j'essaye de réfléchir. T'as dit ça, on peut réécouter le podcast, t'as dit... Oui, je vais inventer une fédération pour que t'aies des trucs, c'était ça. Non, et après, t'as réfléchi à un autre truc dans le... Ah, moi, ah mais moi, je réfléchis... Non. Genre, dans ta boîte, y a pas de trucs. Nous, ils nous ont dans fait... les bureaux, y a pas de... Bah, ils nous ont fait une gourde, une tasse. Super, ouais. Un verre. C'est pas corpo, tu vois. Un Rubik's Cube. C'est pour ça, je crois, que je vais changer de club l'année prochaine, parce que dans l'autre club, ils ont une dotation. Hmm. Club de quoi? Foot. Ah ouais. C'est bien ça. Martin, tu regardais quoi là? Un texto. Ça c'est non. Non, bah non, dans ma boîte, bah non, je travaille dans des bureaux. Ici, ils me donnent un PC. Non, mais ça marche pas. Oh, un PC, je peux te dire là, il est bien mon PC, je suis content. Hein. Ouais, je suis content avec mon petit PC. Après, j'ai demandé à l'informaticien si je pouvais installer FIFA dessus, il a dit non. Donc je suis pas content, hein, je suis pas content. Hein. J'ai négocié. Hein. Le chef des informaticiens, il est venu dans nos locaux à Lille. Et il fait, en fait, pour les PC, c'est possible d'avoir FIFA ou... D'avoir FIFA? Bah ouais, de mettre FIFA. Quoi. Une licence, quoi. C'est une non, je le mets, mais okay. Tu peux rien installer. Comme c'est tout est réglementé, il faut demander à l'administrateur. Et il a dit non. Il a dit non. Et moi, tu regardes le chrono, quoi. Vas-y, hein, dis-nous. Mais je regarde juste, Martin, pour voir... Non, mais je vous donne les coulisses, hein, parce que voilà, il est stressé, en fait. Alors, les coulisses, qu'est-ce que vous voulez savoir? On est dehors, déjà, on est en extérieur. Plein soleil. On commence à faire frais. Plein soleil, il dit ça parce qu'on aurait pu être en plein soleil, mais pas du tout. Tellement les murs sont hauts, il n'y a pas de soleil. Je pense à 15h, t'as du soleil ici? Non, je crois qu'il n'y a pas de soleil. Ah ouais, il n'y a pas de soleil. Soir, lui, il n'y a pas de soleil. C'est le chien qui fait du beatbox, tu as jamais vu ça? Ah, ça me parle. C'est un mec qui tient sa bouche d'un chien, puis le chien fait. Ouais, si, ça me parle. Il est marron. Ouais. Et on voit ses dents. Ouais, je vois. Donc voilà. Non, mais des dotations. Non, mais. Jamais. Donc, tu vois, c'est sujet bien, hein, tu vois. Bah ouais, mais après dotation, moi dans mon métier, c'est dotation sur les provisions, dotation d'amortissement. Donc c'est marrant, dotation de voir sous un autre angle. Ah mais non, non, les dotations, c'est vraiment un thème de sport, hein, plutôt que. Ah ouais, de... mais dotation, dans mon terme, c'est un terme chiant. Hein. Mais j'essaye de voir dans quel métier aujourd'hui il faudrait qu'on travaille dans une fédé de sport. Fédé de sport, et tu peux récupérer des trucs. Mais ouais, c'est gentil de vouloir m'aider. Non, hein. Ah, ouais, je réfléchis, tu vois. J'ai un problème avec les casquettes aussi. Ah bon? Je crois que j'ai. Là, en quelques années, j'ai 15 casquettes. Bah, en fait. Mais oui, mais en fait, globalement, t'as un problème avec les habits. C'est vrai. T'en as beaucoup. Ouais. Mais j'aime, je crois, la gratuité de la dotation. Ah ouais? Mmh. Et la qualité ou non de l'habit technique. Tu vois, j'ai acheté un pull de La Poste quand même en fripe. Ouais. Tu vois, c'est une dotation déguisée, quoi. Oui, mais c'était pas une marque? Armor Luxe. Voilà. J'aime la qualité aussi de la dotation. Il y a aussi un rapport comme ça, tu vois. C'est souvent des bons trucs. Souvent ou pas. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est marrant. C'est très drôle. ouais, je suis nul en habits. Hein. Moi, j'achète des habits, je les mets 2 ans plus tard. Ah, mais viens, on peut faire ça si tu veux. J'ai pensé ce matin en m'habillant, te proposer de faire comme Augustin Trapetard à l'époque, je sais pas si il existe encore cette émission, où il décrivait les habits de la personne qu'il invitait. Oh non, non, non. Si, on l'a déjà fait, Martin, dans l'émission. On l'a déjà fait. Mais tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi. On l'a déjà fait dans Brio Troquet. On l'a vraiment déjà fait, ça. C'est vrai? Ouais, ouais, je te jure. Putain, parce que je m'étais bien sapé exprès. Ah ouais, mais du coup. Mais ouais, moi, je vais mal te décrire. Bah non, mais toi, fais-le pour toi. Et moi, pour moi. Vas-y, bah, fais-le pour toi. D'accord. Mais tu vas pas le faire. Mais si, je vais le faire. Ouais. Ok. Donc, j'ai une paire de Air Max One. Noire, blanche et Nike jaune. Trop stylé. T'es ouf. Avec un raccord chaussette. Il y a un trait jaune à la chaussette. Chaussette Stance. Genre le raccord, il a été choisi ou pas? Bien sûr. C'est vrai? J'ai des chaussettes jaunes normalement, mais j'ai celle-là, ça passe. Si tu vois le trait jaune. Tu ouais, le vois un peu ouais, voilà. Ah, du coup, c'est choisi, quoi. Mmh. Pantalon velours, Oisem, marché de Oisem. Non, même pas. C'est pas marché de Oisem, c'est un magasin pareil de vêtements d'ouvriers. Un peu côtelé, quoi. Ouais, sur la côte. Je sais plus comment ça s'appelle. Trop stylé. Côtelé, si côte. Mais genre, tu sais, il est pas fini le pantalon, le relais, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais. Genre, regarde la fin du vêtement. Putain, ouais. Attends, je te montre. Ah ouais, je lui montre. Regarde, il est pas fini. Ah ouais, puis ça donne un style de ouf, quoi. Cacher ton shit et tout. Non, mais arrête, je suis dans. Mais tu vois comment il est pas fini. C'est un cool outfit. Ok. Upcycling. Après, on est sur un caoutchouc. Ouais. Singé, marque de bâtiment. Ah ouais. Ils font du vêtement de bâtiment, ouais. Ah oui, il te va bien. En dessous, on a une moumoute. Hein, que t'aimes bien, t'as la même. Bah, je te l'ai offert sur. Non, c'est pas moi qui te l'ai offert. C'est mon frère, mais sous ton idée, ouais. Ouais. Exact. Qui vient de Uniqlo. Exact, blanche. Veste, pull, peau de pêche. Peau de pêche ? Moi, je dirais jaune. Ouais, mais serviette ou peau de pêche ? On dit comment, cette matière, tu vois ? Ah, un peu non, éponge. Ouais. Éponge. Éponge ? Éponge, c'est un peu naze, gros. Bah, c'est éponge. Dis serviette. Bah non, et c'est pas éponge. Si tu veux. Un Roland-Garros, un peu, non ? Pardon. Ça fait un peu Roland-Garros. Oui, c'est ça, si tu veux. Carhartt. Ouais, allez, c'est bien. Voilà. On dit n'importe quoi, ça fait velcro. Et t-shirt en dessous, c'est un t-shirt de dotation. Ah ouais, t'as trois couches. De mon ancienne boîte de charpente. Trois couches. J'ai froid. Ok. Et bonnet, très beau bonnet, Saint James. Saint James offert par ta sœur. Exact. Waouh, putain, mais tu connais ma vie en fait. Ouais. Ah, ils allument les lumières, c'est que c'est bientôt la fin du podcast. Ouloulou. C'est ça, vous dire, ouais, cassez-vous. Ah, là. Et on a des guirlandes, c'est magnifique. On va faire une photo pour vous. T'as pas fini, Martin, un tour de cou polaire. Ah ouais, je voulais parler de ça en plus du tour de cou. On en parle après. Tour de cou polaire Décathlon, 3,90€. C'est un whiz. 2,90€. Super. Il est pas cher, quoi, tout le monde l'a. Bon, bah, je me décris. Des chaussures blanches Reebok, un pantalon noir. Quel modèle ? Oh. Vraiment, je voulais le faire en deux secondes parce que je m'en tape. Vas-y. J'en sais rien, quel modèle ? Tu les avais même pas remarqué que j'avais des nouvelles chaussures ? Je pense que c'est des C85. Peut-être. Blanche et avec un peu de vert. Un pantalon noir, une chemise bleue. La marque du pantalon ? En dessous. H&M. Ok. C'est important. Des chaussettes noires ? Des chaussettes. Attends, je suis deg, il y a toujours des chaussettes Simpson en plus ou des trucs comme ça. Elles sont bidons celles-là, non ? C'est des Décathlon en fait que Léna a acheté. Parce qu'il fait froid ? Qui étaient en laine et en fait elle s'est rendue compte après les avoir achetées que c'était du 45-50. Elle voulait que je les donne à un pote qui est grand et en fait je les ai gardés pour moi. Parce on voit le talon, je crois qu'il remonte au-dessus, non ? Exactement. Okay. Il remonte au niveau de derrière mon tendon. On dirait que t'as une hernie quoi. C'est pour cacher mon shit. Encore. Bravo. Il y a des enfants qui écoutent peut-être. À cab. Ok. Pantalon. Après, t'as pas fini, je crois. Après, bah, j'ai un t-shirt que Léna a récupéré. Ah, dans une soirée. En fait, il y a des gens qui ont fait une soirée chez eux. T-shirt blanc, noir, bleu, vert, jaune. Bleu. Et bleu foncé. Belle matière, belle coupe. Et en fait, les jeux... Tu vois que t'aimes bien la mode quand même un peu, tu vois. Bah, c'est parce que Léna, elle est dans le tissu. Elle est dans le tissu. Ouais. Oh. Elle est dans le tissu. Mmh. Petit accent. La vérité, c'est mort. Oh. Ça, c'est une référence au sentier ? C'est au sentier, tout à fait. et donc, ouais, pour la petite histoire, elle était à une soirée, et les gens ont fait une soirée chez eux, et il y avait plein d'objets oubliés, et perdus, et c'était à personne. Donc en fait, ils ont fait une loterie sur ces objets. C'est marrant. Et il y avait notamment une cigarette électronique, des trucs comme ça, quoi. Et Léna, elle a récupéré deux t-shirts bleus, les mêmes. Elle m'en a filé un, elle en a un. Et belle coupe, je suis content. Trop bien. Voilà, et une petite chemise bleue au-dessus, que j'ai quoi, petite, un peu large, ample, Uniqlo, à grosse maille. Genre chaud. Bah, même pas, mais... Ok. Et après, duffle coat et bonnet. Patagonia. Patagonia. Voilà. Et bonnet. Saint James. Voilà. C'est pas n'importe quoi. Parce quand que Martin, il l'achète comme moi. C'est faux. Non, c'est pas grave. Et il n'y a pas autre chose en plus ? Un tour de cou, Décathlon. Voilà, mais pas le même que moi du tout. Non. Moi, j'ai vraiment le standard. On l'avait déjà fait, se décrire les avis, Martin. Ouais, mais pas de cette manière-là. Jamais t'aurais parlé de tes chaussettes. Jamais t'aurais parlé de ta passion pour le tissu, tu vois. J'ai pas de passion pour le tissu. T'en as parlé, belle coupe, belle matière, belle coupe. Je m'habille peut-être mieux dans ma vie grâce à Léna. Fashion Week. Parce qu'avant, je pense que je m'habillais comme une demeure. Il y a même ma chef, une fois, elle m'a fait. Non, par contre, tu viens, mais tu mets pas ça. C'est vrai ? Ouais. Ah, merde. Rendez-vous client. Bon, c'était un gilet orange. Bon, je vous trouvais très bien, moi. Bah, quand on n'a pas de goût, forcément, tout très bien, en fait. Mm-hmm. Soit pas de goût, soit on s'en fout du regard des autres. Ouais, mais du coup, ça va ensemble, quoi. Ah ouais. Bah, je crois que quand on se fait beau, c'est pour soi et pour aussi regarder ça, quoi. Non, mais c'est vrai que ça, t'apprends à faire ça, ouais. À se rendre beau, ouais. Mais les tours de cou, du coup, t'es un passionné du tour de cou ? De ouf. T'as c'est combien trop pratique. J'en ai 3 ou 4. Ça en est piqué, hein. Ah ouais. Dotation. C'est pas vrai ? Tu penses que c'est une dotation ? Bien sûr, il écrit marathon, je sais pas quoi dessus. Il a été trouvé dans la montagne. Il est vraiment moche. Il est moche. Il est effroyablement moche. C'est des potes qui l'ont trouvé par terre. Jaune et violet. Ouais. C'est couleur du Luc. Pour info. C'est du Verlan ? Lille Université. Lille Université Club. Bon, on va se quitter, hein, Martin. Ah bah merde, bah voilà. Bah, j'ai un autre sujet pour la prochaine fois. Ah bah c'est cool, t'es en avance, t'as fait tes devoirs. Non, c'est que j'ai plein de choses à te raconter. Trop bien. Vu qu'on s'est pas vu depuis un an. C'était un plaisir. C'est fini là, on finit comme ça, vas-y. Ouais, bah je peux conseiller un petit morceau. Ah ouais, ça je l'ai pas bossé, bien joué. Tu l'as ou je l'ai ? Je l'ai. Bravo, je pourrais pas, du coup je n'insisterai pas. Donc t'as l'intro et l'outro, quoi. Super. Bah je te le laisse. Non mais c'est bien, on est ensemble. Allez, à bientôt. Alors on écoute The Offline et le motard. Pardon ? Un petit instrumental. De quoi ? The Offline. Off. Pour couper. Line. Pour que tu t'aides. De moutarde. Le motard. C'est l'instrumental, un peu comme surprise. Ah, j'entends, ouais, c'est pas mal, ouais. Allez. Allez, bisous. Au revoir. Allez.